Le 17 courant, il y a eu au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang le spectacle des cercles artistiques des femmes des militaires des unités sélectionnées au deuxième tour du 6e concours des cercles artistiques des femmes des militaires de l'Armée populaire de Corée. Y ont assisté les créateurs, artistes, enseignants, élèves et étudiants du secteur de la littérature et des arts.